ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche. Devant les fils de ciné, je faisais la manche. C'était les copains d'abord et les premiers transistors. Sidney Bechet, petite fleur, les bleus sur le cœur. En ce temps-là, les trottoirs, c'était manif et guitare, même que c'est toujours comme ça. En ce temps-là, j'avais 20 ans, sur la télé en noir et blanc, on découvrait le rock'n'roll, Elvis Presley et les idoles, fauteuil cassé dans tous les musicals. En ce temps-là, c'était Paris, c'était la guerre en Algérie, dans les bistrots de la banlieue nord, on n'était pas toujours d'accord, ira ou pas, d'accord ou pas d'accord. En ce temps-là de ta vie, tu rêvais d'avoir ton bac et de monter à Paris, t'inscrire à la fac. Et puis il y avait le mois de mai qui préparait ses pavés. C'est là qu'on s'est rencontrés, mouchoir sur le nez. Le monde était à refaire, et dans ta chambre à Nanterre, c'est justement ce qu'on a fait. En ce temps-là, j'avais 20 ans, et toi t'en avais presque autant. T'avais un parfum de verveine et de grenade lacrymogène. Et puis, surtout, tu me prenais pour Verlaine. Alors soudain ça a été nous, comme un tonnerre, un coup de grisou. Y'avait plus que nous dans nos blousons, y'avait plus que nous dans nos chansons, dans les discours, carrefour de l'Odéon. En ce temps-là j'avais 20 ans, j'avais 20 ans pour très longtemps. L'amour chantait sa carmagnole en descendant rue des écoles, affiche d'une main, de l'autre le pot de colle. En ce temps-là, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans depuis longtemps. Faire passer à la radio, c'était les vacances en deux chevaux, et toutes les filles se prenaient pour barreaux. C'était la télé qui s'allume pour le premier pas sur la lune. En ce temps-là, c'était le rock, mais on changeait déjà d'époque, et les Beatles allaient se séparer. En ce temps-là, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans éternellement. L'amour chantait sa carmagnole en montant la rue des écoles. T'avais ta main posée sur mon épaule.